Le vieux Paris. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Paris n'est pas une grande ville ordinaire. Paris, c'est la vieille capitale des Parisis. Les Parisis? Qui est-ce? Les habitants de l'île de la Cité, au IVe siècle. Oh, l'histoire, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien entendu, vous êtes jeune, vous, moi, je suis vieux. J'aime ne rien faire. Ma femme me dit toujours, Jules, tu ne fais rien, comme tu es paresseux. Les femmes sont paresseuses, elles aussi. Nous ne sommes pas comme elles, n'est-ce pas? Mais écoutez, Paul, vous pouvez faire des choses amusantes ici à Paris. Vous pouvez visiter les égouts. Les égouts? Oui, nous pouvons les visiter ensemble si vous voulez. Formidable! Mais il fait froid dans les égouts. Et puis, il fait noir. Il y a des rats. Et il y a une odeur affreuse. C'est affreux. Ce n'est pas exactement le plein air, vous savez. Oh, ça ne fait rien.